dégager la piste. J'arrive seul mais fichtre, dit chapeau l'artiste. Tant décalé, autant pédaler, vite pour me rattraper, sans se rétaler, sens aigu du rythme. Désolé si j'insiste, ouvre tes oreilles sur un son irréaliste. Black à tes yeux, j'ai de l'intérêt. Et que le rap de merde est enterré. Je balance un flow qui rend les autres minables. Écoute, je les swing et les syllabes, je suis précis. Fais ton jugement après, si tu kiffes pas ce track, d'autres l'apprécient. Alors dégagez la piste, j'ai 10 000 autres titres. Pas sur ce disque, je voyage dans les câbles optiques. Actif, ouais, pour finance, sa technique de frappe kiffant quand je nique le rap, fils brillant sur le kick et le clap. Miss, si je suis dans ton appart, déplie le clic-clac. J'arrive seul, mais on dirait que je suis plusieurs modes schizophrène. Parce que j'arrive avec des kilos de haine. Monsieur, on a besoin des viandes d'âme. Si tu me vois tout nu, t'as raison d'être méfiant. Décalage, bordel, non sens c'est hors thème. Sabotage, t'es constante, et tant mieux si c'est mortel. Balance, les bras, balance. On les balance. J'arrive, balance. Hyper, balance. Tranquille, balance. Posez, balance. SX, balance tout ce que je peux oser. Balance, les bras, balance. On les balance. J'arrive, balance. Hyper, balance. Tranquille, balance. Posez, balance. SX, balance tout ce que je peux oser, ok? Dégagez la piste, j'arrive seul mais fichtre, dit chapeau l'artiste. Boucler les ceintures, garer les voitures, j'arrive à toute allure depuis le futur. J'ai vu que le son était devenu un peu trop merdique et qu'au final j'en suis devenu allergique. Mec de province entouré de piranhas, le rappeur qui écoute du Brassens c'est du Nirvana. J'évite les substances, genre qui fait coca. Mais j'y repense, j'ai mis un peu de sky dans mon coca. Instrumental rythmé au son des congas, la rime est facile, tu trouves pas? Putain, t'es conga. Un son cosmopolite, sorti tout droit du cosmos, aussi lourd que des mégalithes. J'suis personne et je représente que dalle. Dégagez la piste, j'arrive seul, bande de pédales. Balance, les bras, balance. On les balance. J'arrive, balance. Hyper, balance. Tranquille, balance. Posez, balance. SX, balance tout ce que je peux oser. Balance, les bras, balance. On les balance. J'arrive, balance. Hyper, balance. Tranquille, balance. Posez, balance. SX, balance tout ce que je peux oser, ok? Les bras, balance. On les balance. J'arrive, balance. Hyper, balance. Tranquille, balance. Posez, balance. SX, balance tout ce que je peux oser. Balance, les bras, balance. On les balance. J'arrive, balance. Hyper, balance. Tranquille, balance. Posez, balance. SX, balance tout ce que je peux oser, ok?